Ésaïe chapitre 48. Écoutez ceci, maison de Jacob, qui êtes appelés du nom d'Israël, et qui êtes issus des eaux de Juda, qui jurez par le nom de l'Éternel, et qui faites mention du Dieu d'Israël, mais non pas conformément à la vérité et à la justice. Car ils prennent leur nom de la sainte cité, et s'appuient sur le Dieu d'Israël, duquel le nom est l'Éternel des armées. J'ai déclaré jadis les choses qui ont précédé, et elles sont sorties de ma bouche, et je les ai publiées, je les ai faites subitement, et elles sont arrivées. Parce que j'ai connu que tu étais revêche, et que ton cou était comme une barre de fer, et que ton front était d'airain. Je t'ai déclaré ces choses dès lors, et je te les ai fait entendre avant qu'elles arrivassent, de peur que tu ne dises, mes dieux ont fait ces choses, et mon image taillée et mon image de fonte les ont commandées. Tu l'as oui, vois tout ceci, et vous, ne l'annoncerez-vous pas, je te fais entendre dès maintenant des choses nouvelles, et qui étaient en réserve, et que tu ne savais pas. Maintenant elles ont été créées, et non pas déjà dix, et avant ce jour-ci tu n'en avais rien entendu, afin que tu ne dises pas, voici, je les savais bien. Encore n'as-tu pas entendu, encore n'as-tu pas connu, et depuis ce temps ton oreille n'a point été ouverte, car j'ai connu que tu agirais perfidement, aussi as-tu été appelé transgresseur dès le ventre. Pour l'amour de mon nom je différerai ma colère, et pour l'amour de ma louange je retiendrai mon courroux contre toi, afin de ne pas te retrancher. Voici, je t'ai épuré, mais non pas comme on épure l'argent, je t'ai élu au creuset de l'affliction. Pour l'amour de moi, pour l'amour de moi je le ferai, car comment mon nom serait-il profané? Certes je ne donnerai point ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, appelé par moi, c'est moi qui suis le premier, et qui suis aussi le dernier. Ma main aussi a fondé la terre, et ma droite a mesuré les cieux à l'empan. Quand je les appelle, ils comparaissent ensemble. Vous tous, assemblez-vous, et écoutez, lequel de ceux-là a déclaré de telles choses, l'Éternel l'a aimé, il mettra en exécution son bon plaisir contre Babylone, et son bras sera contre les Chaldéens. C'est moi qui ai parlé, je l'ai aussi appelé, je l'ai amené, et ses desseins lui ont réussi. Approchez-vous de moi, et écoutez ceci, dès le commencement je n'ai point parlé en secret, autant que la chose a été faite, j'ai été là. Or maintenant le Seigneur, l'Éternel, et son Esprit, m'a envoyé. Ainsi a dit l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne à profiter, et qui te guide par le chemin où tu dois marcher. Oh, si tu eusses été attentif à mes commandements, car ta paix eût été comme un fleuve, et ta justice comme les flots de la mer. Et ta postérité eût été multipliée comme le sable, et ceux qui sortent de tes entrailles comme le gravier de la mer, son nom n'eût point été retranché, ni effacé de devant ma face. Sortez de Babylone, fuyez loin des Chaldéens, publiez ceci avec une voix de chant de triomphe, annoncez, publiez ceci, et le mandez dire jusqu'au bout de la terre, dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Et ils n'ont point eu soif quand il les a fait marcher par les déserts, il leur a fait découler l'eau hors du rocher, même il leur a fendu le rocher, et les eaux en sont découlées. Il n'y a point de paix pour les méchants, a dit l'Éternel.